te bénis, Jésus, parce que tu es merveilleux. C'est un jour de prière. Tu nous dis dans Psaume 65, verset 3, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous voici au rendez-vous, Seigneur, au rendez-vous de la prière, au rendez-vous de celui qui écoute la prière. Nous nous recommandons devant toi, Seigneur. Nous nous recommandons devant toi, Seigneur. Tu es la source qui ne tarit jamais. Ta bonté ne tarit jamais. Tu la renouvelles chaque matin. C'est pourquoi nous chantons l'Izibai Kaokakati. Ta bonté ne tarit jamais, Seigneur. Chaque jour, tu renouvelles. Tu renouvelles, Seigneur. Nous sommes dans la joie ce soir. Parce que nous sommes devant celui qui est le renouvellement permanent dans notre vie. Et de la grâce, et de la bonté, et de la fidélité. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ta présence, Seigneur. Je bénis ta présence, Seigneur. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Montez un peu la chorale. Commence à prier. Commence à bénir le Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, merci. Oh, Jésus. Jésus, oh, sois ce soir, inonde-nous de ta source, inonde nos cœurs ce soir, inonde nos vies ce soir, inonde nos vies ce soir. Te bénissons ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à ton nom, Jésus. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18 et 19. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver. Il était mort. Aujourd'hui, il est vivant. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et nous avons vu pourquoi il devait arracher les clés. Parce que les clés sont importantes pour les portes. Il devait aussi arracher les clés pour avoir la décision d'ouvrir et de fermer sa porte. Il devait arracher les clés pour arracher l'autorité et le pouvoir de celui qui les avait avant. C'est pourquoi il pouvait dire à ce brigand ce jour-là, dans Luc 24:43, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et nous étions en train de voir les activités que Jésus a faites pendant les 3 jours qu'il est descendu. La Bible nous dit clairement que Jésus est descendu dans les séjours de mort. Quand il a fait le miracle, les apôtres sont venus lui demander, montre-nous des miracles. Ça c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 38. Jésus leur a dit, je ne vais pas vous montrer d'autres miracles que celui de Jonas. Comme Jonas avait fait 3 jours dans le ventre du poisson, c'est ainsi que le Fils de l'homme fera 3 jours dans le séjour de mort, dans l'abîme, dans l'enfer si vous voulez. Tu feras les 3 jours afin d'arracher les clés de la mort et du séjour de mort. Bien aimé, nous avons dit que ce sont des choses très importantes qui doivent nous aider dans notre vie. Le monde spirituel marche avec ceux qui comprennent les principes spirituels. Si vous ne comprenez pas des principes, ou si vous n'en êtes pas informé, il sera difficile de vivre certaines réalités. Alléluia. Et nous avons commencé à voir qu'est-ce que Jésus a fait pendant les 3 jours. Nous comprenons que pendant 3 jours, le corps de Jésus était mort, mais son esprit n'était pas mort. Son esprit vivait quelque part. C'est là le séjour des morts. C'est là l'Hadès. C'est là le Séol. C'est là que l'esprit de Jésus vivait. Bien aimé, nous avons dit aussi, en lisant le livre des Hébreux, au chapitre 9, pour que le testament entre en vigueur, c'est ce que même le monde a copié. Les enfants ne peuvent pas hériter du testament aussi longtemps que le père est en vie. Le jour où le père meurt, l'officier de l'État, le notaire et l'officier de l'État, on constate la mort par un certificat de décès. À ce moment-là, on peut ouvrir le testament. À ce moment-là, les choses qui étaient écrites dans le testament peuvent se réaliser dans la vie des enfants. C'est ce que la Bible nous dit. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est comme ça qu'à la croix ce jour-là, les centeniers devaient se rassurer et dire clairement que Jésus est mort. Il est parti regarder le premier. Le premier n'était pas encore mort. On a brisé les gens pour accélérer sa mort. On a regardé le deuxième. Il n'était pas non plus mort. On a brisé ces gens pour accélérer la mort. Mais quand on est arrivé à Jésus-Christ, la Bible dit, aucun de ces os ne sera brisé. Quand il est arrivé devant Jésus-Christ, ils ont constaté que lui, il est déjà mort. Il a déjà rendu l'âme. Et quand il a déclaré cela, Le voile s'est déchiré à partir d'en haut jusqu'en bas. Nous le verrons le dimanche. Les saints qui étaient morts sont ressuscités, on les a vus. Et ils sont entrés à Jérusalem. Et bien aimé, c'est que le testament est entré en vigueur. Pendant ces 3 jours, le cadavre de Jésus a été déposé dans une tombe, une grotte, une tombe. Mais l'esprit n'était pas là. L'esprit est parti dans le séjour de mort. Parce que Jésus devait parachever le travail de rédemption. Et il devait faire 5 choses. Il devait arracher 5 clés. Il devait ouvrir les portes. Bien aimé, nous avons dit hier que la tombe c'est comme une prison. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les morts sont des prisonniers. Et le diable est le geôlier. Alléluia. La première clé, c'était la puissance de la mort. Et c'est très important de comprendre cela. Nous avons expliqué c'était quoi la puissance de la mort. Quand quelqu'un meurt, la mort l'avale. La puissance de la mort se manifeste à travers certaines alliances que nous faisons. Et nous avons dit que ce n'est pas nécessairement toi qui as fait ces alliances. Ça peut être ton père, ton oncle, ton grand-père, les pères des pères des pères des pères qui ont fait ces alliances. Mais toi, tu vis les effets de l'alliance. Mais c'est possible. Ce que je dis est vrai. Beaucoup de gens vivent les effets des problèmes qu'ils n'ont pas provoqués eux-mêmes. Et quand la Bible nous donne un bon témoignage, une femme va voir Élisée. Mon mari, ton serviteur, servait le Seigneur. Mais aujourd'hui, Le créancier est venu. Il a dit qu'il va prendre les enfants comme esclaves parce que je ne sais pas payer la dette. Ça signifie ceci. Il est entré dans une histoire qu'il n'a pas su résoudre de son vivant. Et les enfants qui n'avaient rien à faire dans cette histoire. Cette dette, on ne dit pas qu'il a pris la dette pour la famille. Ça pouvait être pour la famille. Ça pouvait être pour lui-même. Pour le moment, je ne vois pas. Mais à l'époque, je voyais les maisons être vendues aux enchères. Papa a pris la dette. Il ne sait pas payer la dette. La banque vient confisquer. On vient confisquer les histoires de la maison. On les vend pour récupérer rapidement la dette. Ça se passe comme ça. J'ai vu une société à Lubumbashi ici. On a dû vendre certains véhicules à très moins cher. Parce qu'ils avaient les dettes. Le créancier est parti se plaindre. L'officier de justice vient, on bloque les véhicules. On vend. On lui donne son argent. Le reste, l'État récupère. Donc, ils ont eu des problèmes qu'ils n'ont pas provoqués. C'est ça la puissance de la mort. Tu n'es pas au courant, mais il y a des problèmes qui te touchent. Provoqué par ou provoqué ou non par toi. Et comment on le voit? C'est des sortes de maladies incurables qui se déversent. C'est des problèmes sans solution qui se déversent. Et on déverse cela dans la vie de plusieurs. Les portes de la mort envoient des maladies à travers des alliances. Et ça réduit la destinée des gens. Nous avons lu un texte dans Ésaïe chapitre 28, versets 15 à 18. On en a parlé ce jour, le mercredi. Hier jeudi, nous avons parlé de deux clés. La première clé ou la deuxième clé, c'était le pouvoir de la mort. Et on a fait la différence entre le pouvoir et l'autorité. Et nous avons dit que le pouvoir de la mort, elle amène des morts prématurées. Parce qu'aujourd'hui c'est la table, je suis en train de récapituler parce qu'on doit prier pour toutes ces choses. Ésaïe chapitre 38 verset 10, c'est un texte qu'on a lu hier. Ésaïe 38 verset 10. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour de mort. La dernière phrase nous a beaucoup intéressé. Je suis privé du reste de mes années. Donc il y a des gens qui sont privés du reste de leurs années. C'est comme on te prive de du reste de ton salaire. Tu as travaillé pendant 30 jours. Au lieu qu'on te paye 30 jours, on te paye 15 jours. On te prive le salaire de 15 jours. Et tu commences à souffrir à cause de ça. Et ici, c'est très clair. Au lieu de vivre 90 ans, tu vis 40 ans. Le diable te prive de 50 autres années. Ça signifie quoi? Tu es mort avant ton temps. C'est ça la mort prématurée. Et ici en Afrique, Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi il reprend seulement si facilement chez nous? Là, il y a même des gens de 78, 80 ans qui sont présidents de la République. 83 ans, président de la République. Mais ici, les gens sont en train de mourir à 30 ans, à 40 ans. Et nous chantons ce jour-là que Dieu a donné, Dieu a repris. Le diable nous convainc. Il nous convainc de certaines situations. Et les gens sont en train de mourir prématurément. Qui a dit que si je suis né prématuré, je dois mourir prématurément? Il n'est pas question de mourir prématurément. Frères et sœurs, la Bible dit, la bénédiction de Dieu, c'est que tu vois les enfants de tes enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Tu ne dois pas accepter de mourir avant de voir les enfants de tes enfants. Ce n'est pas bien, ce n'est pas de Dieu. On pose la question à Jacob. Quel est le nombre de jours de tes années? Jacob, il répond, les jours de mon pèlerinage sur la terre est petit par rapport à mes pères. Jacob a vécu 120 ans. Moïse a vécu depuis 120 ans. Abraham a vécu plusieurs années. Mais pourquoi toi, tu vas mourir prématurément? Oui, il y a des choses qui font que nous mourons prématurément. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier et refuser ces choses. Si tu as fait des alliances, si tu es entré dans les alliances, tu dois te repentir et prier. Je vous donne le cas de Rachel. Je suis dans le livre de Genèse, au chapitre 30. Dans le livre de Genèse, Laban va suivre Jacob. Il dit, mais pourquoi tu es parti? Tu as volé mes dieux. Jacob dit, moi je n'ai pas volé ton dieu. C'est lui sur qui tu vas trouver ton dieu. Qu'il meure. Il a libéré une parole. Il a fait alliance. Il a libéré la clé d'une porte. On a fouillé. On n'a pas vu. Mais la parole était déjà libérée. C'est lui sur qui étaient les dieux de la bande. Devait mourir. Même si elle s'appelait Rachel. Même si c'est la femme que Jacob aimait. Frères et sœurs, ici, ce n'est pas un problème d'amour des hommes. C'est un problème spirituel. Quand on a fait cela, on n'a pas trouvé. Jacob s'est querellé même avec Laban. Laban a dit, ok, ce n'est pas grave. Mais l'alliance était là. Quand Jacob, Rachel a mis, parce que c'était après la naissance de Joseph, quand elle a mis Benjamin au monde, elle a pas appelé Benjamin, elle a appelé Ben Oni. C'est son père qui a dit non, non, il va s'appeler Benjamin. Et puisqu'elle avait les dieux de la bande, elle est morte. La mort l'a touchée. Il y a des gens qui ont des alliances et qui meurent prématurément. Aujourd'hui, nous devons prier pour refuser les morts prématurées. La troisième clé qu'on n'a pas fini hier, c'est l'autorité de la mort. Je pense que hier j'ai expliqué la différence entre le pouvoir et l'autorité. Il y a quelqu'un sur les réseaux qui m'a posé la même question, qui suivait hier en ligne, qui m'a écrit pour que j'explique la différence entre le pouvoir et l'autorité. Avoir le pouvoir ne signifie pas nécessairement avoir l'autorité. Le pouvoir, c'est une capacité, c'est une position. L'autorité, c'est un droit, c'est une autorisation de faire quelque chose. Nous avons donc l'exemple de Ozias, qui était roi en Israël. Il est devenu puissant, puissant, puissant, puissant, puissant, puissant. Et puis il a dit, je vais offrir le parfum. Quand il a offert le parfum, les prêtres lui ont dit, ce n'est pas ton autorité. C'est au sacrificateur de faire cela. Quand il voulait discuter, Dieu l'a frappé de l'air. Pour montrer qu'il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Tu peux avoir l'autorité, mais pas nécessairement le pouvoir de faire la chose. Alléluia. Pas nécessairement le pouvoir. Je suis en train de suivre les exemples des États-Unis. Le président est tout puissant. Il écrit, il signe des décrets, mais la justice dit niette. Tu as le pouvoir, mais la constitution ne donne pas l'autorité de faire ça. Donc, il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. C'est comme ça dans la vie. Vous pouvez être dans une maison, la femme est femme, c'est la première ministre. ou le vice-président, ça dépend du régime que vous avez. Mais il y a des choses où un frère elle demande, est-ce que je peux faire ça? Et puis tu dis, non, non, ça tu peux faire. Ça tu peux dépenser. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir de la mort, c'est ce qu'on a lu, amène des morts prématurées. Mais l'autorité de la mort, c'est comme quelque chose qui entre en action, qui se déverse sur nous. C'est là qu'on a parlé de l'ombre de la mort. Voilà, ce soir je commence par là. L'ombre de la mort. Plusieurs personnes sont tourmentées par des esprits de l'ombre de la mort. Matthieu chapitre 26, versets 37 à 38. Là où nous sommes arrêtés hier. Matthieu 26, 37 à 38. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il sent l'ombre de la mort l'envahir. Ça commence comme ça. Vous avez une angoisse. Vous avez une grande tristesse. Psaume 23, 4. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est que Dieu sait qu'il arrivera des moments dans la vie où tu vas traverser l'ombre de la mort. L'ombre de la mort existe, bien aimé. L'ombre de la mort et l'esprit de mort travaillent ensemble. Le travail de l'ombre de la mort, c'est de t'accompagner jusqu'au gouffre. Et quand tu arrives, tu tombes dans le gouffre, il te lâche. Parce que l'esprit doit habiter dans un autre corps. L'esprit doit habiter dans un autre corps. Et c'est très important. Wow, je voulais dire quelque chose. Il y a une différence. Je voulais expliquer c'est quoi une ombre. Parfois nous parlons de l'ombre. Tout le monde connaît ce que c'est une ombre. J'ai même du mal à expliquer au fait une ombre c'est quoi. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont traversé la tête quand j'ai réfléchi à ça. En géométrie, en optique, on parle aussi des ombres, des pénombres même. Et on calcule des angles, des choses compliquées. Pour expliquer une ombre, une pénombre, tout ça. Alors, Seigneur, bon, c'est quoi une ombre? Une ombre, c'est une zone sombre. Créé par un corps opaque. Opaque, donc aipitiche. Yani aipitiche hata pepo. Non, non. Aipitiche kuona. Il aone kule kumbele. Opaque. Yani aone hata mbele. Ce corps opaque fait quoi? Il intercepte la lumière. Et c'est comme ça que dans l'ombre, il y a l'absence de la lumière. Donc, le soleil brille, pique sur ça, ça c'est opaque, parce que c'est, on ne voit pas. C'est la différence des transparents. Donc, il y a transparent, contraire, opaque. La lumière est arrêtée ici. Donc ici derrière, ça crée une zone sombre. Cette zone sombre, c'est l'ombre de ce pilier. C'est comme nous les hommes. Nous sommes opaques, n'est-ce pas? Nous sommes opaques. Nous sommes opaques. La lumière ne nous traverse pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura le soleil, nous créons une ombre, notre propre ombre. Chaque homme a son ombre. Sur le plan physique. Sur le plan spirituel, chaque homme a aussi une ombre. Ce qui est physique vient de ce qui est spirituel. Et remarquez très bien, l'ombre varie en fonction des heures de la journée. À l'époque, quand nous étions des petits enfants, on s'amusait à fixer les heures, pas par rapport à l'horloge. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de montres. Hein. Les premières montres disco, si je me rappelle, ils n'apparaîtraient un peu plus tard. Mais avant, quand on jouait en brousse, là, on réglait les heures en fonction de l'ombre. Et vous allez voir quand vous arrivez au zénith, midi, l'ombre est presque zéro. Et quand vous basculez de l'autre côté, l'ombre commence encore à se voilà. Donc vous pouvez en dessiner par terre. Et c'est le même principe avec les horloges. C'est le même principe. Et on dessinait comme ça par terre en fonction de l'ombre. Donc quand tu bouges, ton ombre bouge. D'ailleurs, tu peux faire l'expérience. Tu fais ça, l'ombre fait ça. Alors, bon, à moins d'être luclique hein, pour tirer plus vite que son ombre. Mais généralement, l'homme, c'est son ombre. Donc, c'est une zone noire. Ah, je comprends que dans la vie, tu peux traverser des zones noires. C'est ce qu'on appelle l'ombre de la mort. Il y a des moments où tu traverses des zones noires. Et l'ombre de la mort, comme je vous dis que l'ombre évolue en fonction du temps. Vous allez remarquer dans la vie, un problème se termine. Un autre commence. Pendant qu'il est en train de se terminer, un autre commence. Pendant qu'il veut se terminer, un autre commence. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, quand vous voyez ces choses arriver, que ceux qui lisent fassent attention. Quand vous voyez certaines choses arriver dans la vie, permettez. Faire attention. C'est comme ça que si tu es clairvoyant, on arrive là tout mon maombi. Vous vous jetez dans la prière. Dis, Seigneur, il y a une chose anormale qui se passe. Généralement, après un dégât dans la vie, tu te diras que Dieu m'avait parlé, mais je n'avais pas fait attention. Job chapitre 1 à partir du verset 2, vous allez voir. Job chapitre 1 à partir du verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Non. Reprends le verset 2. On rentre au verset 2. Il lui naquit, c'est naître au passé simple. Arizalaka. Sept fils et trois filles. Ok, le verset suivant. Il possédait 7000 brebis. Ma brebis, il n'y a aucun problème. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. Ça, c'est ça la richesse. Nous, ici, même pour avoir une poule, c'est des problèmes. Regardez Job. 7000 brebis. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. Donc, Bangombe, Banaoumé, Nabanamou, que 500. 500 paires de bœufs. Donc, conséquence, c'est que, quoi que fromage, majiba, yaourt, naniniten, tout ça, c'était pas un problème. Ça, c'est Job. Et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc, toute la ville connaissait Job. Quand il passait, les gens se levaient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et les invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Verset suivant. Et quand le jour de leur festin passait, ok, verset 6. Verset 7, verset 8, verset 9, verset 10, 11. Commençons par du verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà où le problème commence. L'ombre de la mort touche généralement ce qui nous appartient. Nos affaires, nos projets, même notre santé. Mais l'ombre te couvre. Il y a des familles comme ça. Il y a des moments comme ça. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Il est parti demander l'autorisation. Bien qu'il avait le pouvoir, il n'avait pas l'autorisation de toucher à Job. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânes paissaient à côté d'eux, les sabins se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le premier serviteur a fui. Il dit, verset 16, il parlait encore. Donc, il n'a pas fini. Lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter les nouvelles. Donc vous voyez, il avait 7000 brebis. En disant que le feu est tombé et consumé. Et je me suis échappé moi seul. Verset 17. Il parlait encore. Vous voyez comment l'ombre de la mort agit. L'autre est tombé souffrant. Donc c'est ma poney. Il y a un véhicule qui est tombé dans l'accident. Regardez de l'autre côté, l'autre aussi est tombé. Il parlait encore. Lorsque notre vient lui dit, les canaux formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux. Les brebis partis. Les chameaux partis. Les bœufs sont déjà partis. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Verset suivant. Il parlait encore. Lorsque notre vient, elle dit, tes fils mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné. Verset 19. Et voici un grand vent est venu. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant dans la poussière. Il arrive de moment, une succession de mauvais événements. Tu ne sais même pas ce qu'il faut faire. On est calé tout chez nous la kunja mais. Demain par terre. Un frère m'avait expliqué, mon frère aîné avant qu'il ne meure m'avait expliqué. Il avait un ami. Dans leur famille, ils étaient à 7. Barenda mon bus très bien. Ils ont fait l'accident. Tous les 7 sont morts. La maman vient. Elle regarde le premier. Le deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Elle n'arrive pas à passer toujours en école à Chine. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Une succession de mauvaises. L'ombre de la mort, cette oppression, des épreuves qui dépassent. L'ombre de la mort a des principes. Elle ne touche pas une seule chose. Elle touche plusieurs choses. Et un des principes de l'ombre, l'ombre t'accompagnera toujours là où tu seras. Tu peux quitter l'Ikasi, tu vas à Kolwezi. L'ombre va t'accompagner. Personne ne laisse son ombre. Sinon, tu n'es pas toi. Et le monde spirituel, c'est ça. Ils peuvent maudire l'ombre. Ils te maudissent toi. C'est comme ça que Jésus-Christ, il a dit non, non. Mettez Job chapitre 10, verset 21 à 22. « avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Mais nous devons prier. Beaucoup de choses sont couvertes et détruites par l'ombre de la mort. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, il est descendu dans le séjour de mort et il a arraché la clé de l'ombre de la mort. Oh, ce soir, nous allons proclamer, puisque Jésus a arraché, toi aussi dans ta vie, tu vas proclamer que Jésus-Christ a arraché la clé de l'ombre de la mort. Tu es garanti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la foi, reçois ces choses. Que celui qui croit que l'ombre de la mort s'éloigne de sa maison au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Le dernier verset sur l'ombre de la mort, Apocalypse chapitre 9, versets 6 à 11. Je le lis rapidement et nous passons à la quatrième clé. La cinquième clé, on va la laisser comme ça. Elle viendra un autre jour ou dimanche, on va parler de ça. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir. Et la mort fuira. Mais il y a des moments, tu te dis que la seule solution qui reste, c'est la mort. Mais la mort n'est pas là. Mais les choses en train d'être détruites. Dans la maison, il y a toujours des problèmes. Il parlait encore, maman. Il parlait encore, maman. Il parlait encore, maman. C'est l'ombre de la mort. Mais nous allons prier ce soir. Si tu vois ces choses dans ta vie, tu dois prier, faire des vœux à Dieu, faire des sacrifices à Dieu pour arrêter. Pour arrêter. Vous savez, David, on n'a pas le temps de lire ces choses. Dans 2 Samuel, chapitre 24, David, à un moment donné, c'était compliqué. Il a vu les gens mourir. Mourir. David est parti chez Aravna. Il dit non, non, non, tourne-moi rapidement. C'est terre, je dois faire l'autel. Aravna dit, je te dis non, non, ne me donne pas. Fixe-moi le prix. Parce que ce prix, c'est rien par rapport à la mort. Il lui a donné l'argent. Il a pris. Il a bâti l'autel. C'est alors que l'épée s'est arrêtée. Ce soir, nous allons arrêter l'ombre de la mort dans nos vies, dans nos maisons. Nous allons prier. Nous allons bâtir l'autel. Que l'ombre de la mort puisse s'arrêter. Alléluia. Ça, c'est la troisième clé. Oui. Oh là là. Quatrième clé. Bon, on va y aller. Jésus est descendu pour arracher les clés de la porte de prison du diable dans le séjour de mort. Il y a des prisons spirituelles. J'aimerais ce soir parler des prisons spirituelles. Comme il y a un jugement sur la terre, il y a aussi un jugement spirituel. Comme il y a des juges sur la terre, il y a aussi un juge. Comme il y a des avocats, il y a aussi un avocat. Donc vous allez comprendre que le monde a pris les choses divines pour bien. D'ailleurs, Dieu il dit que les magistrats ce sont ses serviteurs qui sont à son service. Ici, j'aimerais parler de prison. Et pendant les 3 jours, Jésus est descendu pour arracher la clé. Pour que les gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont dans des prisons spirituelles, qui sont enchaînés, qui ont des sept aux pieds. Tu ne sauras jamais avancer. Vous savez, la prison, c'est une privation de liberté. Privation de liberté. C'est ça la prison. Mais comment ça se manifeste? Tu peux avoir une liberté limitée à certaines distances. Donc il y a des gens dans leur vie, il y a des limites qu'ils ne peuvent pas franchir parce qu'ils sont dans des prisons du diable. Il y a des familles qui ne savent pas franchir certaines limites. Bien-aimés, les gens ont étudié, les gens ont des diplômes. Avouyaka directeur mon famille. Jamais. Les gens font des affaires. Akuyaka muntu ana quoi na magasin. Ils ont déjà ouvert même des magasins. Comme ana wina ça ana voyaka kita la munsoko. Si la moins de l'argent ne a moins à faire de kita là. Bien aimé, il y a des gens qui sont limités. Oh, je prie ce soir que notre Dieu s'élève pour briser toutes ces limites-là. Alléluia. Amen. Les portes des prisons aujourd'hui, ce soir, c'est pourquoi on n'a pas besoin de la cinquième clé, on en parlera peut-être dimanche. Mais les portes de la prison ce soir doivent s'ouvrir. Jésus a fait ce travail. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. C'est verset 19 qui m'intéresse. Mais mettez 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3. Ici, je prends mon papier pour aller vite. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 20. On va aller vite. Parce que j'aimerais qu'on prie. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit. Je m'arrête d'abord ici. Vous comprenez que la mort pour Jésus-Christ, c'était la mort quant à la chair, mais ce n'était pas la mort quant à l'esprit. L'esprit est resté en vie. Mais alors, pourquoi l'esprit est resté en vie? Parce que Jésus devait faire un travail. Verset 19. Dans lequel il est aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous suivez bien? Jésus est parti prêcher aux esprits en prison. Bon, ça c'est la traduction prêcher. Mais il est parti proclamer. Il est parti faire un travail aux esprits qui sont en prison. Le verset 20, on nous dit quels étaient ces esprits-là. C'était les esprits du temps de Noé. Et Jésus est parti prêcher aux esprits qui était en prison. Ceci nous montre bien qu'il y a une captivité spirituelle. Il y a une captivité spirituelle. Et Jésus est descendu dans le séjour de mort pour arracher la clé de la prison. Plusieurs personnes sont prisonnières spirituellement. Il ne sait pas avancer. Il est limité. Il peut taper les mains. Il peut bouger dans l'église. Mais ce n'est que ça, sa limite. Il a choisi Koutoka Mulikasi. $1,000 à capital. Il y a des prisons spirituelles pour plusieurs personnes. Il peut être dans le mariage, mais il ne peut pas avoir des enfants. Il est en prison. Bien aimé, oh, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous délivrer de ces choses. Notre prière aujourd'hui, la Pâque c'est dans quelques jours. Nous allons prier, souffrir qu'on puisse prier aujourd'hui, que Dieu nous délivre de toutes ces prisons. Qui dit prison dit privation de liberté, dit aussi les liens, les chaînes, le contrôle. Un prisonnier, il est sous le contrôle d'un maître qu'on appelle geôlier. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire. Rien faire. Si la tante n'a rien dit, si l'oncle n'a rien dit, si le grand frère n'a rien dit. Non, bien-aimé, ce soir, nous devons prier. Mais pourquoi nous avons cru au Seigneur? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous devons être libérés des prisons démoniaques. Il y a des gens qui sont liés dans des prisons démoniaques. Nous devons prier. Mais la table aujourd'hui, ça, c'est seulement quelque chose qui va nous aider à nous consacrer et entrer en prière. On doit faire tomber les chaînes de nos prisons. Il ne faudrait plus dans ma vie qu'il y ait des barrières. Bien aimé, aujourd'hui, tu dois élargir tes cordages. Tes cordages, tes bornes. Tu dois élargir tes cordages. J'aime ce que Jésus dit. Le vent souffle. Vous savez d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi du Fils de l'homme. Mais un enfant de Dieu, tu es comme le vent. On ne doit pas t'arrêter. Le vent a une caractéristique, c'est d'être expansible. Expansible. Voilà, voilà. Disons ça comme ça. On ne peut pas le limiter. Il est expansible. Ça se propage dans tous les sens. C'est ça, une des grandes caractéristiques du vent. La puissance est là. L'expansibilité est là aussi. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 104, versets 14 et 16. Psaume 107, versets 14 et 16. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Verset 16. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Jésus est venu briser les liens, rompre les liens. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes. Et quand on mettait des sept aux gens, on mettait les sept avec des cadenas. Et les cadenas avaient des clés. Le maître de l'esclave gardait la clé chez lui. Il y a beaucoup de gens qui ont des sets, qui ont des chaînes, mais la clé est gardée chez l'oncle. La clé est gardée chez le grand-père. La clé, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut ouvrir une porte, qui peut toujours fermer aussi une porte. Et il y a certaines paroles qui sont comme des clés qui ont fermé de vie. Mais ce soir, une parole est annulée par une parole. Nous allons prier le Seigneur pour annuler ces paroles, pour annuler les liens, annuler toutes ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Parce que nous voulons que la Pâque de cette année, nous soyons libres, libérés comme du vent, pour atteindre notre destinée. Alléluia. Et pourquoi on te lit? On te lit pour que pendant le temps que le maître a fixé, que tu attends ton jugement, on te lit. On lit votre famille. On lit votre maison. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et le jugement, c'est quoi? C'est la mort. C'est l'échec. Il y a des familles comme ça. Il y a des liens qu'il faut couper. N'accepte pas. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, Matthieu chapitre 16. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne prévaudront un point contre elle. Et Jésus ajoute, ce que tu accepteras sur la terre sera accepté au ciel. Et ce que tu refuseras, c'est lui second qui nous parle de ce que tu lieras. Mais non, nous parlons d'autres versions, français courant, paroles vivantes. On dit ce que tu accepteras. Ça m'étonne. C'est que pour enclencher le ciel, Dieu, il faut que la terre donne l'autorisation à Dieu. Si tu acceptes, le ciel accepte. Si tu refuses, le ciel refuse. Ça signifie quoi? Tu dois connaître. Il y a des gens, ni chaud ni froid, à Wichikeloako, à Osemirako Kintu, Binguno n'a quoi ni chaud ni froid à ton égard. Le ciel ne fait rien. Ça fait des années. Ni comme Kanisa. Non, le ciel ne fait rien. Psaume chapitre 2, verset 3. Allons-y vite parce qu'on doit prier. La Bible dit, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ah, il faut briser les liens. Aussi petit que moi, il s'est jamais dans ta vie. Koutembea. De marcher. Dans ma lien. Avec des liens. Quand on était jeune, quand on grandissait, enfin, je suppose que je suis encore jeune. Alléluia. Amen. Parfois, on voyait les gens faire des choses compliquées. Quand nous étions enfants, nous aussi, on faisait ça. En tout cas, dans notre quartier, c'est chez nous à la maison, on faisait les bracelets des dames. Les bracelets de cuivre. Hein? Il m'a bracelé, voilà, bien. On faisait. Bon, ça nous aidait à résoudre aussi certains problèmes. Et on faisait beaucoup de chantage là. Oui, mais je t'accompagne et tout. Toi, je te donnerai pas cette fois. Oui, mais t'as ici. Toi, je vais faire pour toi cette fois. Et à l'époque, là, j'avais beaucoup de cuivre. Dans tous les magasins, il y avait des fils en cuivre qui venaient, de bronze. Et nous, on faisait des bracelets comme ça. Parfois, je vois les gens porter des bracelets comme ça. Mais il y en a qui jouait à la boxe ou je sais pas en français. Bandofan ma bintou mon quartier, on a toka zomboué. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Avant ma compagne, on a foutu un bel tombako. On a foutu un tombako. Tombako. Le tombako. Kaponda. Vous n'avez pas connu ça. En foutu un tombako, on a pepula yul, on a mounjake. Et puis, il y a un tétémeka. Il a commencé à trembler. C'est vrai, il y a un tétémeka. Il tremble là. Là, les gens crient. On dirait qu'un mouvement surnaturel na mwingi. Ce que je vous dis, j'ai vu. Bon, il y a peut-être des gens qui ont déjà vu des choses. Pour le moment, je crois que ça n'existe plus. Hein? Nous, là, on a souffert. On a souffert simplement parce qu'on était en ville. On a souffert seulement parce qu'on était en ville. On va suivre le match. On nous disait ça comme ça. Et puis on s'est dit non, non. Ils sont taxés ma panne. Pas tes tours. Ils vont nous tuer. Bandeau, toi, tu as fait ma pompe, ma nini. On doit se défendre. Tu n'as pas jeté la coupe, bâté. Curieusement, ma stade de football est en cité. Donc, par contre, on regarde un match. Il ne faut pas que tu aies une cité. Il faut aller. Mais notre péché. C'est d'être né en ville. Vous allez en attendre. On est en grève à mon ville. On ne dit même pas qu'on est en ville, mais quand on passe à Saint-Angale, vous entendez, à Saint-Abigail qui est en gouffre. Ils n'ont pas la force. On est même qui pique tout loup, qui pique un peu qui m'a loup. C'est de lui gifler. Les gens étaient méchants. Vous voyez un peu la méchanceté de l'homme. Donc, à Choco, c'est membre. C'est pour provoquer. Et finalement, on avait maintenant des vieux là du quartier. Quoi, on a beaucoup de Bakutoka Zomboué. C'est qui est un peu ah, comme la chima, ma femme. Si ça tient comme ça. Non, c'est fini. Vous commencez à clamer pour lui. C'était des choses fortes. Dieu merci, l'évangile est entré pour casser des choses inutiles et folles. Alléluia. Amen. Non, l'évangile a changé beaucoup de choses. L'évangile. Peut-être que vous ne réalisez pas, l'évangile a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai commencé le travail en 98 ici. J'ai fait tout. J'ai tombé dans la poche au lot. J'ai travaillé avec les. J'ai tombé dans mon chargeuse. J'ai tombé dans la chargeuse. Et nous arrivons à Kupanda Mouchoua. Tous les conducteurs ici, SNCC, Jekamin. Quand on a un tabouret kaki. Comme on a chouka, on a chouka la kaki. Il descend avec. Aina kwacha mwenjaku. C'est pas laissé pour ça. C'est reconnu même. Il a tout lu choix. Ni pas caché à bon. On a vu qu'on a pas tabouret à mwingine. Et puis un moment me dit, mais désiré, oui, mais c'est bon, ça n'est nini. A pas na kila mtu kona. Kila mtu na tabouret yake. Chacun sait qui lui appartient. Maintenant quand tu demandes pourquoi, je ne sais pas si Mukadel n'a pas ça. Sûrement na Mukadel. Parce que quand on n'a pas tabouret à mwenjaku. Ah. Ah, hein, papa formateur. Il est ma théorie, est comme somme, c'est votre problème. Mais tabouret. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Afrique, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit tout ça, on a nous, on allait prendre la choix GCK, CCC, à l'époque. C'est des choses compliquées. Compliquées. Oui, qu'a désiré. Toi, désiré. Mais la Kouinda Moukanona. C'est pas à cause de toi. Ta chikia. Tu vas sentir. Et puis, je pose la question. Now, Lisa, Kanona, c'est quoi? C'est où? Kanona, ni wapi, nani, on ne me dit même pas. Abanyone, mais quand même, il y a. Et puis, tu vois un monsieur gentil là. Qui me dit, il y avait des choses horribles. L'évangile a changé beaucoup de choses. L'évangile a changé. Quand on a sa koumba, les travailleurs ne priaient pas. C'est des choses compliquées. On n'a pas peut-être le temps d'expliquer. C'est des choses compliquées. Tu peux faire un tour comme ça la nuit. Tu trouves 5 papas qui se lavent au travail. Suivez-moi. Tout le monde derrière moi. Entre ici. Ou va sanctionner botte. Et puis après. Bantonga Magoti, où est-ce que papa? Mi papa est nous. Buluma, Buluma. Et bon, tu pardonnes. Et puis je demande, pourquoi vous faites ça? Chacun avait une petite amulette. pour qu'ils vous n'ont au cours, pour qu'ils soient, pour être cadre. Il y a des gens qui sont venus cadre. Cadre. Il y avait un vieux papa qui habitait sur des ateliers à côté de ACP. Alors qu'il me dit non. Où est comme Christ? Toi tu es chrétien. Non, je dis que tu es cadre, c'est oui. Moi je suis cadre venu du ciel. Pas cadre venu de Canon. Donc il y avait des cadres qui venaient de Canon. Tout comme il y avait des cadres qui venaient du ciel. Les travailleurs, papa m'a mis à savoir, maman Antoba, Mouskadel, Chitourou, c'est zéro. Il y a des choses horribles. Et c'est des liens de famille. Il part, la famille reste dans les problèmes. Mais aujourd'hui, même si ton grand-père était dans ça, nous allons prier. Ces choses vont tomber au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, on ne veut pas en parler, mais c'est des réalités, ce que je vous dis. Je vous dis des réalités. Des réalités. N'est-ce pas, papa Mombet? C'est des réalités. Un jour, c'est horrible, mais ça s'est passé. Actes chapitre 16, verset 26 à 27, on termine par là. Et préparez-moi Ésaïe 42, verset 7 et Apocalypse 20, verset 13. On va prier. Acte 16, vous connaissez ce verset. Comme nous allions 16, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils ont compris un principe. Pour que les chaînes soient brisées, il n'y a que Jésus-Christ. Or, Jésus demeure au milieu de la louange. Pierre et Paul et Silas étaient à deux. Il fallait l'intervention d'une troisième personne, de Jésus-Christ, pour briser les liens. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chanter. Quand ils ont chanté, Jésus est descendu avec son trône. Les liens étaient brisés. Oh, ce soir, nous voulons que les liens soient brisés dans nos vies. Alléluia. Ésaïe 42, verset 7. Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. Il est parti même plus loin. Donc à l'intérieur des prisons, il y a même des cachots. Kakasho de kaloko. Allez au parquet. Vous allez seulement entendre. On les appelle comment? De poste. C'est-à-dire que tu entends de poste. De poste. Ah, tu trouves déjà que non. Banagote les mousses. Kakasho kaloko. Et les gens qui sortent de cachot, on dirait qu'ils savent qu'on a l'autre. Ils sont encore en train de rêver. Parce que c'est vraiment un monde de ténèbres. Moi, tu entends bien. C'est compliqué. Allez là. Mais Jésus est venu. Il est venu pour nous sortir des prisons. En tout cas, Léo. Aujourd'hui. Ma prison yote. Les prisons. Mon gars, tout au chien. Dans ma cachot yote. Tous les cachots. Apocalypse chapitre 20, verset 13, on termine par là. Et on va prier. Apocalypse 20, 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Voilà le travail que Jésus a fait. Il est descendu dans les séjours de mort. Venez, mais les instrumentistes, prenez déjà les instruments, on va prier. Jésus est descendu dans les séjours de mort. Parce qu'il devait arracher les clés. Oh bien-aimé, sois conscient aujourd'hui que Jésus-Christ a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Les deux sont toujours ensemble. Le séjour de mort et la mort. Bien-aimé, il y a la mort physique, mais il y a la mort spirituelle. L'esprit, pour être sur la terre, doit habiter dans un corps. Donc, l'esprit des morts, pour être sur la terre, doit habiter dans un corps physique. Et c'est comme ça que l'ombre de la mort vient dans la vie de quelqu'un, vient toucher la vie de quelqu'un. Bien aimé, tu peux passer. Ton ombre couvre une partie des choses. Ton ombre couvre même des gens. Il y a l'ombre de la mort qui couvre certaines maisons. La mort n'est pas là, mais c'est l'ombre de la mort. C'est l'atmosphère de la mort. C'est la marque de la mort qui couvre certaines maisons. Mais aujourd'hui c'était le problème. Demain c'était le problème. Tu as travaillé longtemps. Tu as eu des choses comme Job. L'homme le plus riche, en un jour, il va tout perdre. Lui n'est pas mort, mais les différentes choses qu'il avait sont en train d'être tuées l'une après l'autre. Les bœufs sont morts, les bœufs sont morts, les brebis sont morts, les chameaux sont morts, les enfants sont morts. Finalement, Job ne savait plus rien faire. Même la maison s'est écroulée. Job est resté. Lui-même, Job, il est malade. Sa femme lui a dit: meurs déjà, parce que ça n'allait pas. L'ombre de la mort a touché même la vie des gens. Pourquoi? Parce que le diable avait l'autorisation. L'ombre de la mort vient de l'autorisation du diable à faire certaines choses. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est descendu pour arracher les clés de l'ombre de la mort. Bien aimé, il y a le pouvoir de la mort. Le pouvoir de la mort, il amène des morts prématurées. Il amène des morts prématurées. Vous allez voir ce que la Bible nous a dit dans Ésaïe 38. Il te reste quelques années. Au lieu d'attendre les années là, toi tu meurs. Non, bien aimé, il n'y a rien de plus mauvais que de mourir avant ton temps. Non, bien aimé, il y a des choses que tu dois accomplir. Les choses dans la vie s'accomplissent dans le temps. Si tu meurs avant ton temps, tu n'auras pas tout accompli. Donc même tes enfants, tu les mets dans une mauvaise position. Ta famille, tu la mets dans une mauvaise position. Oh, c'est pourquoi ce soir, tu dois prier que le pouvoir de la mort ne soit pas sur toi. Nous devons prier pour ne pas mourir prématurément. Même si mon fils est prématuré, il ne peut pas mourir avant. Même si moi-même, je suis prématuré, je ne dois pas mourir avant. Je dois mourir au temps marqué par Dieu. Parce qu'il y a des choses à faire. Bien-aimé, la Bible parle même d'un minimum de 70 ans. Pourquoi tu vas accepter de mourir avant 70 ans? Il y a des gens qui ont eu 100 ans, 120 ans. C'est possible, c'est possible. Et nous devons prier. Il y a l'autre chose, c'est les prisons. les prisons, tu n'es pas mort, mais ta vie est morte. Tu vis comme un mort. Tu as des liens partout. Tu es bloqué partout. Ta liberté est limitée. Il y a des endroits où tu ne peux pas arriver. Il y a des niveaux où tu ne peux pas arriver. C'est là qu'on doit prier ce soir. Que Dieu brise les liens. Que Dieu brise le joug. Pour atteindre des dimensions que tu as prévues dans ta vie. Nous devons briser. Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles et pour briser les liens. Frères et sœurs, tout ça, c'est le travail de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est mort à la croix. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés. C'est vrai pour nos péchés. Il est mort. Le sang nous a lavé. Mais il devait descendre dans le séjour des morts pour arracher les clés au diable qui les avait. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier pour que ces clés-là sur nos vies soient arrachées. Bien-aimés, il y a des endroits, dès que tu arrives, on dirait qu'on souffle un mauvais vent, un vent de maladie, un vent de sec. Tout ça, c'est l'esprit des morts, c'est le séjour des morts. Mais je bénis le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, même la mer va rendre ce qu'il a bloqué pour toi. La terre va rendre ce qu'il a bloqué pour toi. Parce que Jésus-Christ, il est mort pour ça. Oh, ce soir, nous voulons prier. Nous devons prier. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Quel est ton problème ce soir? Quel est ton problème ce soir? Quel est ton problème? Jésus. Jésus. Ce soir. Ce soir. Il est beau de Santa Cara. Papa, papa, papa. Il rapproche. Répapa, papa. Oh, Jésus. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce ce soir. Fais grâce ce soir. Le temps a sonné. Le temps a sonné. Tu es descendu dans les séjours des morts pour arracher ces clés. Tu es descendu dans les séjours des morts pour arracher ces clés. Oh Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple. Bien-aimé, prie. Va ça. Alléluia. Oh, il a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir. Alléluia. Oh, merci. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, Jésus a fait un travail. Crois dans ce travail-là. Aujourd'hui, ta vie doit changer. Ta maison doit changer. Ta maison doit changer. Oh, Jésus. Oh, Jesus. Merci Jésus. Oh alléluia. Dieu te bénisse, bien-aimé. Quatre sujets de prière. Quatre clés. Quatre clés, quatre sujets de prière. Et là, j'aimerais que toute l'église nous puissions prier. Seulement les instruments qui nous accompagnent, les instrumentistes, dans la prière aussi. Premier sujet de prière, c'est la puissance de la mort. Nous voulons détruire ça. Parce que Jésus a déjà arraché la clé. Nous voulons fermer cette porte. La puissance de la mort, on a dit, c'est quand l'ennemi vient déverser des maladies incurables, des problèmes sans fin sur nos vies. Des maladies qui n'ont plus de médicaments. Il veut atteindre un objectif. Paf, il envoie le Covid. Jusqu'à ce que le nombre de morts qu'il a prévu soit atteint. Et pendant que je parle de Covid, nous allons prier. Il y a des maladies qui viennent chez vous. Pendant que nous allons prier sur ça, tu vas prier contre la rougeole. Pour les enfants. Nous allons détruire. Tout à arriver. Des maladies qui viennent comme ça. Les maladies sont inoculées. Nous voulons détruire cette première clé. Nous voulons arracher et fermer cette première porte. Lève ta main droite. Dis avec moi. Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Puissance yote. Puissance yote. Ya kifo. Ya kifo. Ile diable na mwanga. Diable na mwanga. Mukanisa. Mukanisa. Mufamia yango. Mufamia. Mukizazi kiango. Mukizazi kiango. Mulikasi. Mulikasi. Katika jina la Yesu. Katika jina. Mina ikatala. Mina ikatala. Na kuisimamisha. Mina simamisha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Commence à prier. Commence à détruire. Au nom de Jésus. Je détruis les maladies. Je détruis les maladies. Je détruis les maladies. Il n'y aura pas de rougeur dans ma famille. Il n'y aura pas de rougeur dans l'église. Il n'y aura pas de lèpre. Il n'y aura pas de pops. Il n'y aura pas de COVID. Il n'y aura pas de grippe. Au nom de Jésus, j'ai détruit cette maladie. Les maladies incurables. il a cru à sa zona, il a cru à sa cita, aïtone kana, aïta patikana, mukanisa, mukisa sika, kati katina la es. On est pris, on va, pris, on va. Prie le Seigneur. Oh, les maladies qui n'ont pas de nom. Dans les maladies qui n'ont pas de forme. Dans ce soir. Mangaribi, ce soir. Mangaribi. Je les annule. Oh. J'arrache la clé. Je ferme cette porte. Oh, sur ma vie. Oui, sur mes enfants. Oh, au nom de Jésus. Oh, il n'y aura pas de maladie. Oh. Sans mort. Il n'y a pas de maladie incurable. Ce soir. La puissance de la mort est annulée. La Bible dit yeah, ouais. La puissance de la mort. Oh, de Jésus. La mort n'a plus de puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Dieu, la yes. Oh. Merci. Que Dieu te bénisse. Ah, aujourd'hui, tu entends de changer les choses. Deuxième sujet de prière. C'est le pouvoir de la mort. Le pouvoir de la mort. On a dit que le pouvoir de la mort, c'est ce qui amène des morts prématurées, qui arrache les années de la vie. Tes enfants doivent vivre autant d'années. N'accepte pas qu'ils meurent prématurément. Toi-même, tu dois vivre autant d'années. N'accepte pas de mourir prématurément. Nous refusons. Cette prière, ma mort prématurée. Ma mort surprise. De mort par surprise. Accident, la couffe à tout. L'accident vient comme ça. Non, bien-aimé. Ce n'est pas pour toi. Le reste des années de ta vie. Ne dois pas être arraché par l'ennemi. Non, Ézéchias était malade. Il était malade. Il a refusé. Que les années pouvaient diminuer. Ce n'est même pas la maladie qui doit te tuer. Quand il a prié, il restait 15 ans. Dieu lui a retourné les 15 ans. Frères et sœurs, Mangaribi a l'air. Il est miaka na kubakiria. Kuma kurudishie. Setani. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir. Ce soir. Je refuse. Je refuse. La mort prématurée. La mort prématurée. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans mes enfants. Dans mes enfants. Vous disiez que. Malouf prématuré. Malouf prématuré. Il a Katala. Il a Katala. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Refuse. Ce soir, la mort prématurée. Je refuse. Minakata. Je refuse. Les morts prématurées. Malufu ya buton. Munumba ya. Malufu ya kito. Aitengi ya. Oh, sanatrela. Aitengi ya. Seigneur, je refuse. Pour ma toto. Pour ma famille. Aitengi ya. Ya wa sanatrela. Pour ma sasi. Oh, non. Aitengi ya. Yahweh. Pour qui sasi. Aitengi ya. Minakata. Je refuse. Moudina la yo. Je refuse. Au nom de Jésus. Je refuse. Prie. Les morts prématurées. Prie. Oba. Les morts prématurées. Oma, bifo, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour tes enfants. Aina ya watoto yako. Ce n'est pas pour tes enfants. Aina kizazi kienu. Aina kizazi yako. Baloko yako. O tes enfants. Bakubwa yako. Tes grands frères. Mama yako. Ta mama. Baba yako. Ton père. Katala. Refuse. Katala. Refuse. Les morts prématurées. Oma, bifo, les morts prématurées. Malufu ya kanisa. Dans la kanisa. Dans l'église. Katala. Je refuse. Les morts prématurées. Mira katala. Vous les hôtes. Oh, tout seul. Comment ça vous la pire. Ce soir, je refuse. Mina angusha, je refuse. Oh non, Jésus. Oh non, Jésus. Mina angusha, je renverse. Mina angusha, je renverse. Oh non, Jésus. Batoto ya ko, katala. Refuse. La mort prématurée. Qui fait au nom de Jésus. Mina la yes. Au nom de Jésus. Léo, katala. Nous refusons. nom de Jésus. Oh merci. Asa. Oh alléluia. Lève ta main droite. Troisième sujet de prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir. Je refuse. L'ombre de la mort. Sur ma vie. Sur mes affaires. Sur ma famille. Akuna kimvuri kakifu. Kile kitafunika maisha ya. Kende mbari. Nous refusons l'ombre de la mort. Fukisha. Renvoie. Fukisha. Chasse. Kimvuri kamauti. L'ombre de la mort. Fukisha. Renvoie. Fukisha. Renvoie. Kimvuri kamauti. L'ombre de la mort. Makazi yako. Desert. Inanza kufwa. Onumba yako inanza kufwa. Fukisha. Refuse. Mashamba kuna lungua. Fukisha. Refuse. Vitu duna kufa kimwe kimwe. Fukisha. Renvoie. Kimvuri kamauti. Détruis la prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment on a ma prison. Détruis. Au nom de ma prison. Détruis la prison. Au nom de ma prison. Détruis. Au nom de Jésus. Au Dieu dans la yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Bien-aimé. Benoît. La table de ce soir, c'est pour arrêter toutes ces plaies. Ni kwa ajili ya kusimamisha tena mapigo yo. Ile mafungulu yote. Mafungulo yote. Leo. Aujourd'hui. À travers cette table. Kupitia hii meza. Ikuna simamishwa. Ça va arrêter. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi. David bâtit là un hôtel à l'Éternel. Udi akajenga madhabahu kwa milele. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices. Akatoa tena masadaka na ma. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays. Bwana akashusha tena ndana iki. Et la plaie se retira. Na ile pigo ikawa mbali na Israeli. Je vais prier pour la table de ce soir. Na penda kuombea meza ya Dieu. La table, l'hôtel. Mazabao. Et on met le panier. Atwekea bitunga. Nous allons en même temps nous faisons de vœux. Kwa mara moto kuna fazia. Table. Mais nous voulons être entrer en communion avec Jésus. Tunapenda kuingia mushirika pamoja na Yesu. Entrer en communion avec Jésus. Kuingia ndani ya ushirika na Yesu. Je vais les présenter après les bêtises. Nous entrer en communion avec Jésus. Apenda kuingia mushirika na Kristo. À travers la table. Kupitia hii meza. Mettez deux paniers de part et d'autre mes amis. Itunga tena ngambo yote mbele. Entrer en communion avec Jésus-Christ Ushirika, à travers cette table kupitia hii meza. Et donner nos vœux au Seigneur kuleta viapo vyetu kwa Bwana. Pour que aujourd'hui kwa ajili leo, l'ombre de la mort kivuri ya mauti doit fuir. Kimbie. La puissance de la mort uwezo wa kifo. Nous fermons les portes. Tukona funge le pouvoir de la mort mamlaka ya kifo. Les morts prématurées mamlufu ya butoto. Prématuré. L'offre est là. Maïsa Yakoba de Kuivia. Parce que toi, j'ai pardonné, laissé Maïsa Aya Ivia. Prématuré. Kimvuri Kamauti. L'ombre de la mort. Vous savez, Paul, il dit quand il passait, son ombre couvrait les gens étaient guéris. L'ombre de la mort, quand quelqu'un a l'ombre de la mort, il passe, il couvre ton travail. Il vient juste chez toi. Les choses sont détruites. Vous étiez amis. Les choses commencent à se détruire. Ça, c'est l'ombre de la mort. Il y a qui faut. L'antidote. Dawa. Oui, c'est ça. Ce n'est que Jésus-Christ. Na quoi tu n'y es. Et ça, na I, c'est des prières avec des vœux. Ni ma ombi pa moi na viapo. Comme David a fait. Vile Daoud Alifa. Avec des sacrifices. Pa moja na masada. Prends ton vœu. Beba kia. Si tu n'as pas d'enveloppe, lève ta main que le porteur te donne. Kama ona na baasha inua mkono. C'est un moment capital. Bien-aimé. Wakati ya moi. Qu'est-ce qu'une maison devant la vie? Qu'est-ce qu'une voiture? Qu'est-ce qu'un 100 dollars, un 200 dollars par rapport à ma vie? C'est meilleur ma sémo. Avant de passer à la table. Nous sommes en prière, toute l'église. Les instrumentistes. Venez me parle. C'est ma. Il y a des paroles Kukoma, que le diable a utilisées comme des clés pour fermer ta vie. Daniel, kama fungua, ce soir, utilise les paroles pour ouvrir ta vie. Parle à ton vœu. Parle. C'est ma. Il veut yang. Kwanza leo. Puissance ya bifo. La puissance de ma isha yangu. Si ma vie. Ya batoto. De la ya vie bibi ya bwa. La vie de ma femme et de ya nyumba. Je refuse. Ma malaria des morts qui n'ont pas de kufika kwangu. Arrivez chez moi. Katika tina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Mina katala. Je refuse. Ma mort prématurée. Des morts prématurées. Ah. Oh. Akuna mutoto. Il y a pas. Atakufa avant. Qui mourra avant. Abana. Avant l'âge. Atakufa avant. Il y a personne qui mourra. Abana. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a une peine de yamu. Mina katala. Je refuse. Ma mort prématurée. Malufu yamu kabi. Ma mort surprise. Mina ikatala. Je refuse. Katika tina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika tina la Yesu. Au nom de Jésus. Mina katala. Je refuse. Ombre de la mort. Kivuli ka mauti. Kanze kufunika. Maisha yangu. Ma vie. Mina sema hivi. Makazi yangu yote. Kile kufunikwa. Na kivuli ka mauti. Leo. Mina fukisa kile kivuli. Katika tina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika tina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Bile biote. Maisha yangu. La vie. Ma prison, dans la prison. Malien yangiza, mina funde le malien, katika jina la Yesu. La Bible me dit, Bible le jour qui pesait sur vous, le bâton qui vous frappait, je le brise comme à la journée de matin. Léo Mangarim, mina brise, brise ma jouk yote, katika jina la Yesu. Mungu akusante. Mesa. La table, mesa ya leo. Table mesa ya leo. Table d'aujourd'hui. Mesa ya leo. Table d'aujourd'hui. Il est les barats. Mesa dans cette bénédiction. Katika tina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika tina la Yesu. Mesa ya leo. Que la table il est les barats. Apporte la bénédiction. Katika tina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika tina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika tina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis cette table. En vertu de l'autorité que me confère le ministère pastoral, que cette table soit bénie aujourd'hui pour que communion unie avec Christ, que la coupe, que le pain soit la coupe et le pain de bénédiction. Je bénis cette table au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'accord, est-ce qu'on peut adorer le Seigneur maintenant? Nous voulons adorer le Seigneur. Pendant ce temps, nous approchons de la table. Et c'est un moment de prière, bien-aimé. Léo, aujourd'hui, tu as la solution pour ta vie. Nous approchons de la table et nous prions le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Continue à prier. Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut nous chanter Wabu Komo Bonso? Wabu Komo Bonso, on peut nous chanter ça. Wabu Komo Bonso, on nous chante ça. Prie, manifeste la puissance de Dieu. Proclame la puissance de Dieu dans ta vie. Proclame la puissance de Dieu ce soir. Sur toutes les portes de l'ennemi. Dieu est puissant. Il n'y a aucune porte qui peut rester fermée, qui peut être ouverte sans l'autorisation de Dieu. Commence à proclamer la puissance de Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Je proclame que tu es puissant. Je prends ce soir la puissance de la mort est anéantie. La Bible dit, oh mort, où est ton pouvoir? Oh cité à la mort, où est ton pouvoir? Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Commence à prier. Si tu connais la chanson, tu chantes. Mais nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Je proclame ta puissance. Ta puissance. Dans le ciel, tu es puissant. Sur la terre, tu es puissant. Dans ma vie, tu es puissant. Dans la vie de mes enfants, tu es puissant. Dans l'église, tu es puissant. Rien ne peut résister à ta puissance. Tu es puissant. Oh, tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant. Oh, alléluia, alléluia. Hey, papa, papa. Tu es puissant, tu es puissant. Laisse savoir, tu as beaucoup de force. Laisse savoir, tu as beaucoup de force. Tu es puissant, mon Dieu. Tu es puissant. Avec toute la puissance. Tu es puissant. Ce soir, puissant. Dieu est vrai, bien-aimé. Il est vrai. Dieu nous avions crié. Il est vrai. Dieu agit. Tenda. Père agit. Il y a des gens qui vivent sous des liens. Cher Saint-Esprit, agis pour briser ces liens. Il y a des gens pendant que nous parlons. L'ombre de la mort a déjà couvert leur vie. Je connais aussi l'ombre du Saint-Esprit. Tu as dit à Marie, quand elle demandait comment ça va se faire, tu as dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Dieu, tu as l'ombre du Saint-Esprit. Le diable a l'ombre de la mort. Ce soir, je prie que l'ombre du Saint-Esprit couvre tes enfants. Il y a des gens qui connaissent dans leur famille des morts prématurées. Peut-être qu'avant on n'avait pas compris. Maintenant que nous avons compris, Seigneur, je dis non. Dans la famille de tes enfants, je dis non. Je refuse. Je refuse les morts prématurés. Je refuse les morts prématurés. Même quand il y a les maladies, je refuse les morts prématurés. Les morts prématurés. Moi, j'écoute Toka. Dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous avons un frère et deux sœurs qui ont été baptisés. Bongila, le frère Bongili Azwa Joël. Est-ce qu'il est là? Frère Bongili Azwa Joël. Tu peux t'approcher. On a bien, bien. La sœur Salamé Wasompo Ornella. Dada Shalame Wasompo Ornella. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la prière? La sœur Kazadi Kimimba Noela. Yana Dada Kazadi Kimimba Noela. Elle est là en